De l'huile dans les rouages sur Fadjet. Bonjour et bienvenue sur Fadjet. Nous retrouvons, comme chaque semaine, Noémie. Bonjour Noémie. Bonjour Yves. Tu vas bien ? Ça va bien et toi ? Ça va, c'est de l'huile dans les rouages. Toujours accompagné aujourd'hui d'Elio et Emeline. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Tu nous avais fait le vocabulaire de la joie. Ouais. De la tristesse. Ouais. De la colère. Oui, ouais, aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, on va avoir peur. Voilà, c'est pas Halloween, désolé, j'ai pas réussi à caler dans l'emploi du temps. Mais voilà, j'aimerais qu'on cherche ensemble plein de façons de dire qu'on a peur. Quand vous avez peur, qu'est-ce que vous dites ? Je suis, je me sens... Stressée ou anxieuse ? Stressée, anxieux. Ouais, ou effrayée ? Effrayée. Stressée, anxieux, on effrayée. Pourrait dire terrifiée ? Ouais. Une petite peur, comment vous dites quand vous avez un peu peur ? Anxieux. Ah mais ouais ? C'est pareil. J'ai pas trop de mots pour une petite peur. Moi, je vais dire inquiet. Alors, c'est vrai que le « j'ai peur », il peut être nuancé. Oui. Il est un peu comme le « je suis triste ». Il peut avoir des nuances « je suis très triste »,« je suis un peu triste ». Et ben moi, je mets dans le « un peu peur », inquiet, mais on peut être très inquiet. Ouais, c'est genre un peu stressé, quoi. Ouais. Le stress, pareil, vous le nuancez avec les mots autour, d'accord. Ouais. En tout cas, il y en a en eux, on comprend que c'est quelque chose de très fort parmi ce que vous avez dit. Alors, pour moi, par exemple, effrayé... Ah, effrayé, c'est assez vient, fort quand même. On est quand même dans le orange-rouge. Mmh. Il y en a d'autres que vous connaissez dans le... Ouais, j'ai vraiment la trouille très fort. Affolé ? Paniqué. Ouais. Perturbé. Alors, perturbé, c'est pas le vocabulaire de la peur, c'est plutôt le vocabulaire de la confusion. Parce qu'en fait, on peut être perturbé sans avoir peur. On peut avoir un mélange d'émotions. On peut être, par exemple, j'ai à la fois de la joie et puis de la tristesse. Et du coup, je suis perturbée parce que j'ai pas l'habitude d'avoir ça en même temps. On peut avoir terrifié. Et donc, voilà, ça permet de clarifier les choses, se rendre compte qu'on utilise des mots pour dire, quand on a très peur, ah oui, t'es terrifié. Anxieux, pour moi, c'est quand même assez fort. C'est quand assez même, fort aussi, quand même. C'est pas mini, hein, anxieux. Pour moi, l'anxiété, c'est le maximum. Ah voilà, c'est intéressant hein, ouais. De voir que pour Elio, anxieux, ça peut vouloir dire un petit truc. Alors que pour Emeline, c'est quand même un gros truc. Donc, de temps en temps, c'est bien de retourner dans le dico pour essayer de remettre le curseur et aussi de vérifier auprès de la personne. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu as peur à 5 sur 10, à 7 sur 10. Parce que des fois, on va s'imaginer que l'autre, il a super peur alors qu'il est en train de nous dire pas beaucoup. Ou l'inverse. Donc, plus on clarifie, plus on a un vocabulaire riche pour parler de ce qu'on ressent quand on a peur, plus on va pouvoir clarifier les choses pour soi. Et le simple fait de le prononcer, ça fait déjà descendre la tension. Et donc, je voulais, comme on parle de la peur aujourd'hui, rappeler qu'il n'y a que 10% environ de nos peurs qui sont dues à des réels dangers objectifs. J'ai beaucoup valorisé les émotions dans les émissions qu'on a faites. Hein. À un moment donné, on parlait presque que de ça. Mais je pense que c'est important aussi de rappeler que les émotions, on les écoute, on les accueille, c'est-à-dire sans jugement, on les nomme, mais on n'est pas là pour leur donner la place. C'est-à-dire, si vous avez une peur, c'est pas elle qui doit décider que vous faites quelque chose ou pas. Si vous faites quelque chose par peur, ça va être que c'est soit une fuite, soit je le fais pas, je reste figé, soit j'attaque. C'est trois attitudes différentes si la peur nous guide. Or, si c'est 90% du temps, il n'y a pas vraiment de danger, c'est important de trouver d'autres stratégies pour réagir face à sa peur. Pour rationaliser tout ça. C'est ça. On fait descendre l'émotion pour être dans le vert. Et pour maintenant faire des choix plus rationnels. Donc, quand on a peur de quelque chose, ce que je vous invite à faire, c'est de vous rappeler vos réussites. De vous souvenir toutes les fois où, dans des situations similaires, vous avez réussi à réussir la tâche pour laquelle vous avez peur. Oui. Si vous avez peur de prendre l'avion, mais vous l'avez déjà pris, vous avez peur, mais ça s'est bien passé. Donc, c'est une expérience positive. Voilà. Donc, vous rappelez, oui, j'ai super peur pour mes examens. Et pourtant, ça y est, t'es au niveau master, t'as réussi tous les autres, en fait. Donc, ou même si tu as redoublé, quand tu as redoublé, tu as réussi la deuxième fois. Donc, c'est essayer de trouver les faits qui vous rappellent que vous avez des ressources. Aussi, si vous avez une peur du style les araignées ou certains produits, des choses comme ça, vous informez pour remettre du rationnel dans tout ça. Et si ça ne suffit pas, l'information, là, c'est savoir se tourner vers des accompagnements vraiment thérapeutiques, style hypnose, EMDR, etc., pour ne pas être la marionnette de ses peurs. Vous avez aussi le fait de vous rappeler de quels besoins vous allez remplir si vous faites ça, au lieu de choisir de ne pas le faire parce que vous avez peur. Par exemple, si vous allez à un rendez-vous avec une personne qui vous plaît et que vous avez peur d'être rejeté, mais ce que vous allez remplir comme besoin, c'est aussi vérifier si vous plaisez ou pas à la personne. Et puis, il y a aussi 50% de chances qu'il y ait un retour positif. Et si même il y a un retour négatif, au moins la tension, l'attente, elle va être libérée. Donc, voir tous les besoins que vous remplissez en agissant quand même, c'est vous focaliser sur tout ce que ça peut vous apporter. On peut travailler sur ses peurs, c'est ce que tu disais, on peut se faire accompagner pour ça aussi. Voilà, c'est ça. N'hésitez vraiment pas. Si vous sentez que vous êtes bloqué et que vous reproduisez des schémas du style le permis de conduire, chaque fois vous le ratez ou des choses comme ça, ce qui vous bloque, eh ben, c'est vraiment important de savoir se dire qu'on peut aller s'appuyer sur des spécialistes. Il y a aussi le cadre, on a utilisé plusieurs fois cet outil-là en gestion de conflit. Quand on a peur de quelque chose, on doit aussi se rappeler le cadre. Ben, j'ai peur d'aller à l'école, ok, je suis ta maman, je t'accueille, je te ferai câlin, on va écouter cette peur. Et en même temps, la règle, c'est d'aller à l'école. Donc, tu vas y aller et on va s'en occuper, t'inquiète pas, on va essayer de voir ce qu'il y a derrière, quels besoins, etc. Mais rappeler l'engagement qu'il y a derrière, comme le fait d'aller au travail, comme ça, c'est intéressant de s'appuyer sur le cadre aussi pour la gestion de ses émotions. Et enfin, quand on a très peur, surtout passer à l'action parce que ça va faire, éclater la bulle. Les peurs, elles ont toujours une raison. Mais ça va dédramatiser le truc et ça va vous faire rendre compte que vous pouvez le faire et que c'est OK et qu'en fait, ça s'est bien passé et que le ratio entre la peur et le vivre, l'écart, il est important. Il valait mieux vivre le truc que d'avoir peur et de ne pas le faire. Voilà, de choisir de passer à l'action. Ouais, c'est ce que je vous propose. Donc voilà les petites pistes pour quand vous avez peur, ne vous laissez pas attraper et diriger par vos peurs. Merci beaucoup, Noémie. Avec plaisir, Yves. À bientôt, tu nous parleras de quoi la semaine prochaine? Je vous parle du jugement masqué. Oh, on va sortir notre cape alors. Merci. Bonne journée. Si vous avez envie que l'on aborde des sujets précis, des questions à poser, des témoignages à partager concernant les outils évoqués, écrivez-nous à contact@fadjet.net.